Papa, papa, c'est quoi Galaxy Pop? Galaxy Pop, c'est plein de vitamines et de minéraux. C'est bon pour ta croissance et pour développer goût et curiosité. Avec un grand bol de Galaxy Pop tous les matins, tu pourras découvrir des mondes passionnants avec tes oreilles. Galaxy Pop, le label des cerveaux costauds. Galaxy Pop, on va bien s'entendre. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Blindcast. Bon, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Qui dit fête de fin d'année, dit Noël, dit tout ça, et dit forcément le Disney de Noël. Donc, on va faire aujourd'hui un blindcast sur les films Disney, et comme Noël c'est une fête de famille, on va le faire en famille. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je serai accompagné de Sixties. Salut à tous. Qui se trouve être ma femme. Et de Joseph. Bonjour. Qui se trouve être mon fils. Et de Louloute. Bonjour à tous et à toutes. Qui se trouve être ma fille, donc on va faire ça en famille. Sauf que pour une fois, Sixties ne sera pas mon... acolyte. Voilà, pour une fois, Sixties ne sera pas mon acolyte, mais ma victime. Elle va faire partie, elle va jouer avec les petits, et elle devra deviner, elle aussi, quels sont les films que l'on entend. Ah ah ah. Voilà. Parce que c'est facile d'être de l'autre côté du micro et de la table de mixage, mais de jouer, c'est une autre histoire. On va voir. Alors, on va voir qui va gagner. Voilà, bah non, mais vous avez tous gagné, vous jouez quand même en équipe. Ah bah oui. Ah bah oui. Non, ce sera un peu comme l'équipe de Monstres et Compagnie, vous jouez en équipe contre moi. On est un trio. Un trio voilà. De fort. Alors, pour préciser que Joseph a 10 ans et Louloute 7 ans, et donc pour donner une chance à Louloute de marquer quelques points quand même, les 3 premiers titres, Louloute aura 30 secondes d'avance sur les autres. D'accord ? D'accord. Les autres sont d'accord aussi ? Bah bien sûr, d'accord. C'est voilà. Le chef hein, qui choisit. Oui, mais enfin bon, vous participez. Et moi on dit pas mon âge, hein. C'est bon. Non. Moi je peux le dire, moi je peux le dire, moi je non, peux non. le dire. Sixties a connu les tout premiers Disney. Oh ouais, ça va. Pas les tout premiers. Donc bah voilà, ça va être parti pour ce petit blindcast de Noël et on attaque tout de suite avec le premier titre. C'est parti. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour et au beurre, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse. Oui, mamselle, ça, c'est la France. Avant dîner, ça vaut mieux qu'un coup de trompette. Prenez donc le menu. Et quand vous l'aurez lu, on fera la fête, ce sera chouette, maninette. Mirantan, pommes sautées, haricots verts, crêpes flambées. On vous prépare avec art, une fête à vous couper le sifflet. Vous êtes seul et pas fier, mais mamselle, laissez-vous faire. Y a pas de cafard, y a pas de déprime, quand les assiettes sont des copines. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. Tout ça dans la tradition des grandes maisons. Allez, levons nos verres et sautons la barrière pour les fillettes. Triste ou nette, moi je connais qu'une seule recette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. La vie est un supplice pour un domestique sans office qui ne peut faire le bonheur d'âme qui vit. Ah, le bon vieux temps des jours de labeur que la vie a classé aux archives. 10 ans de vraies galères, ratatinées par la poussière, sans jamais pouvoir montrer notre savoir-faire. À déambuler autour du château, Patapouf, pomme d'api, hop la boum, thank you my lady. Un dîner aux chandelles, mais tout est prêt pour la noisette. Pompe glacée, champagne au frais, nappe pesée dans ma corbeille. Au dessert, je ferai du thé, c'est ma grande spécialité. Pendant que l'état sous du torchon, je ferai mes papons, mes petits bouillons. Sifflerai ma camion folle, j'ai une tâche, ça somme des hommes. L'important ce serait d'amener plein d'impression. En route et sauf qui peut, ça sera un sucre ou deux, ma mignonnette. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Tout le monde s'y met dans mon côté. Après 10 ans, on s'en va bien dégayé. On n'a pas de prête. On met de la laisse, on nous met sa comtesse. Dans la lumière des chandelles, on s'égale et ma courte elle s'en va. La Belle et la Bête ? Oui, oui Louloute, tu l'as. Bien. Bravo Louloute. Il s'agit bel et bien de La Belle et la Bête. Et moi c'était aussi, la j'aime chanson. Pas trop. Et c'était la chanson C'est la fête. Bravo Lou. Bravo Louloute. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu 400 fois. Oui, tu l'as déjà vu. Tu l'as vu plein de fois. En tout cas, c'est bel et bien La Belle et la Bête. Bravo Louloute. Alors. Astérisque. La Belle et la Bête, c'est un film de Disney donc, mais de Gary Trudel et Kirk Wise, qui sont aussi les réalisateurs derrière Le Bossu de Notre-Dame. On connaît peut-être un petit peu la patte graphique et le fait que les deux films sont censés se passer en France. Et le compositeur pour la musique, il s'agit d'Alan Menkel, qu'on reverra sans doute au cours de ce blindcast. Et est-ce que, par hasard, parmi vous trois, il y aurait quelqu'un qui serait fan du film et qui pourrait nous faire un petit résumé ? Alors, c'est pas toi que je pensais, Louloute, mais vas-y, essaye. Vas-y, Lou. Ça raconte une petite fille et... Petite, hein. Une bête, c'est une histoire d'un garçon qui s'appelle Gaston, et il veut épouser Belle, mais elle veut pas. D'accord. Et son père, il est mécanicien, je crois. Ouais, pas vraiment mécanicien, mais bon, quelque chose comme ça. Horloger, je crois, plutôt. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il fait de la mécanique d'horloge, quoi. Voilà. Donc, Sixties, est-ce que tu veux compléter ce résumé ? Parce que la fan de La Belle et la Bête, c'était à 60s que je pensais, hein, vu toutes les figurines qu'on a à la maison. Oui, je confirme. J'ai toujours du mal un peu à résumer, moi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait emprisonner en échange de la vie de son père. Ouais, c'est un film sur le syndrome de Stockholm, quoi. Oui, oui. Et sa mère... Enfin, résumé comme ça pour des gosses, je sais pas. Et sa mère a été morte à cause d'une maladie. Oui, la peste. Et qu'est-ce qu'il y a de la particulier, peste. Le château, en fait, de la bête En fait, c'est un château vivant. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont vivantes. Par exemple, l'armoire. L'armoire, le chandelier. La théière. Et il y a la... La tasse. Il faut que quelqu'un tombe amoureux de la bête avant que la rose ait perdu ses pétales pour que tout revienne à la normale. Oui, et pour que le monstre devienne un humain. Et que tous ses servants redeviennent aussi des humains. Voilà, c'est tout le personnel de... ouais. C'est du château. Parce que et du coup, Gaston, c'est le méchant qui veut tuer la bête. Et il veut épouser la bête, mais elle dit non, elle a même fait une chanson. Ouais, oui, elle a fait plus qu'une chanson, effectivement. Et aussi, je crois que... À la base, c'était un prince charmant qui s'était transformé en la bête parce qu'il y avait une sorcière qui voulait entrer dans le château car il neigeait. Et puis du coup, comme il voulait pas, on l'a transformé en bête. Et puis après, quand on l'a épousé, tout est redevenu à la normale. Oui, parce qu'au début, c'était quand même un sale type. Oui. La mamie, en vrai, elle voulait lui donner une rose, mais il voulait pas. Du coup, après, il a refermé la porte. Après, la malédiction est arrivée. C'est ça. Bon, c'est ça. Vous connaissez bien La Belle et la Bête, donc. Ouais. Oui. Très bien. Bon, alors, vous avez votre premier point. Est-ce que vous avez trouvé le premier titre ? Tout le monde ? Bah oui, vous jouez en équipe, donc vous avez le point. Mais c'est toi qui l'as marqué. Bravo, Louloute. Bravo. Merci. Bon, alors on va pouvoir passer à la chanson suivante. Et oui ! Parti ! Bon, encore une fois, on est dans les chansons faciles, donc je ne vais pas donner d'indice tout de suite. Hein. Oui, d'ailleurs, il faut préciser que ce blindcast sera assez simple, sauf sur la fin. Ah ouais ? Ouais. Je pense. Allez, deuxième titre. Je suis malin, méchant, vilain. La guerre est mon quotidien. J'ai la main froide, j'ai rendu tant de gens tristes. Mais malgré mon caractère, ma tête mon crochet de fer, moi j'ai toujours rêvé d'être un grand pianiste. Je peux vous interpréter un morceau de Mozart, chatouiller les blanches, les noires sans peur. On peut dire que je suis sans pitié. En musique, je ne fais pas de quartier. Merci. Oui, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Il a un rêve, il a un rêve. Loin d'être cruel, je suis plutôt bon élève. Si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai tout de même un cœur de rêve. Tout comme chacun de vous, moi j'ai un rêve. Tout cabossé, j'ai une plaie tout infectée. Les dames sont en pleurs devant ma laideur. Avec six orteils aux pieds, plus mon goitre et mon gros nu, je cherche encore celle qui me donnera son cœur. Je m'imagine dans les bras de ma jolie promise, heureux sur une gondole à Venise. Si je suis laid et repoussant, je suis l'amant, pas le brigand. Vous l'aurez bien compris, moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Il a un rêve. Moi j'ai un rêve. Il a un rêve. J'espère qu'un jour l'amour prendra la relève. J'arrive, les gens partent en courant, mais en chaque homme y a un enfant. Je suis comme tout le monde, moi j'ai un rêve. T'en veux tout quitter et devenir fleuriste, goûteur, décorateur et styliste. Wolfador le mime, les gâteaux d'Addis sont sublimes. On fricote pour un coup, Franck s'amuse comme un fifou. Et Vladimir collectionne les petites licornes. Je suis comme vous, je rêve aussi, mais avec moins de poésie. Je me vois au soleil avec un petit trésor. Je vis heureux sur une île, bronzé, reposé, tranquille, entouré de milliers de jolies pièces d'or. Moi j'ai un rêve, elle a un rêve. Moi j'ai un rêve, elle a un rêve. Si voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent, et je profite de chaque jour, ravie d'avoir quitté ma tour. Comme vous tous braves gens, moi j'ai un rêve. Elle a un rêve, il a un rêve, on a un rêve. Allons dans nos veines, coule la même sève. La même sève. Débrutez-vous, éphémiste, mais affreusement optimiste. Parce qu'au fond de nos cœurs, on a un rêve. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Oui, au fond de mon cœur, moi j'ai un rêve. Ouais. Jojo. Réponse. Oui, bravo. Et donc c'est la chanson Moi j'ai un rêve, où tous ouais. les gens chantent qu'ils ont un rêve. C'est rigolo, moi j'ai ouais. un rêve. Comme par exemple, les dieux rêvent et ils font des collections de petites figurines de licorne. C'est ça, voilà. Oui, ils veulent être pianistes, danseurs. Oui, il y en a un qui est attaché à un fil et il a un tir à l'arc. C'est vrai, oui, bah, comme un petit Cupidon. Un petit Cupidon, voilà. Donc réponse étant un Disney de Byron Howard et Nathan Greeno, que l'on retrouvera derrière Volt, qui était un peu moyen, et Encanto, qui était bien meilleur. Enfin, oui. bien meilleur que Volt, en tout cas. Et quand Encanto, c'est vrai que c'est bien. Et mais encore Volt, une fois, ouais. à la musique, c'était Alan Menkel. Ah ouais okay. Et c'était donc un film de 2010, un des premiers Disney en 3D, après Volt, justement. D'accord. Ouais, ah une des premières princesses Disney en 3D, d'ailleurs. Ah ouais Oui. Mmh. Alors, est-ce que quelqu'un veut me résumer un peu réponse? Vas-y, Louloute. Vas-y, Louloute, oui. Encore moi. C'est une jeune femme qui en fait eh ben, sa maman elle était reine et après il y a une sorcière qui a pris une fleur qui est très importante qui était très importante pour la mère et après elle a pris et en fait on chante une chanson pour que après la magie se révèle après sa fausse mère, et ben elle veut pas qu'elle aille à la surface vu qu'elle dit que c'est trop dangereux. Alors c'est pas la surface, c'est le monde normal. Parce qu'elle vit pas sous terre, elle vit en haut d'une grande tour isolée du monde. Le monde normal. Et pour que la magie se révèle, on doit chanter une chanson. Oui, parce que du coup, c'est Réponse qui a bu la fleur infusée, et c'est le cheveu de Réponse, du coup, qui ont le pouvoir. Oui. Voilà. Et en gros, dès qu'elle chante une chanson, ça peut soigner. La chanson, c'est Fleur aux pétales d'or. Je crois que vous l'avez déjà entendue. Alors non, parce que là, j'ai mis que la chanson Moi, j'ai un rêve, mais oui, je pense que Fleur aux pétales d'or, tous ceux qui ont vu Réponse ont entendu la chanson. Oui. T'as raison. Et du coup, c'est ce qui donne aussi le pouvoir à la sorcière qui est adoptive, entre guillemets. C'est pour ça qui lui donne le pouvoir de rester jeune. Voilà. Et qui est très, très méchante. Et c'est pour ça que la sorcière a kidnappé Réponse, c'est pour garder son pouvoir juste pour elle. Et elle a coupé une mèche de cheveux parce qu'elle a pas... En fait, elle a pas fait exprès. Ouais, elle a coupé une mèche de cheveux, du coup les cheveux sont redevenus châtains et ils avaient plus de pouvoir. Oui, ne divulgue pas, ne divulgue pas. C'était juste la mèche qui avait changé, mais sinon les autres cheveux ils étaient encore magiques. Oui, oui. Et Réponse donc veut s'échapper de sa tour pour découvrir le monde et retrouver ses parents. Elle trouve que c'est vraiment incroyable. Eh oui. Même quand elle arrive dans la taverne avec tous les brigands. Elle aime bien. Eh oui. En même temps, ils sont gentils. Oui. Ils sont pas méchants, même s'ils ont un aspect de brut. Ils sont drôles, quoi. Ils sont drôles. Un aspect peu ragoûtant, même, pour certains. Ils sont moches. Bon. Je pense qu'on pourrait passer à la troisième chanson. Oui, bah tu le dis, si tu veux présenter à ma place. Oui. J'aurais plus besoin de jouer. Bon, alors on va passer à la troisième chanson, donc, puisque Loulou te l'a décidé. Bon, en tout cas, c'est moi, bien. Moi, j'ai pas décidé. Vous êtes à 2 points sur 2. Pas mal. Allez, on lance la troisième, donc toujours pas d'indice. Normalement, on est toujours dans les chansons assez simples. Loulou, t'as toujours 30 secondes et c'est la dernière fois. Alors, je pense que ce que tu essaies de dire, c'est merci. Merci ? Mais de rien ! Quoi ? Non, je ne disais pas, je ne voulais pas. Pourquoi devrais-je te... D'accord. Je comprends ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens toute drôle, toute bizarre. C'est adorable. Les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Ouvre les yeux, c'est parti. Tu peux te pincer, oui c'est bien moi, bah oui. Un vrai demi-dieu, ses cheveux, son corps. Oui c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. C'est naturel, c'est pour vous, vous les hommes. Je suis un demi-dieu très ordinaire. Hey, qui de ses pouces a soulevé les cieux quand vous dansiez le hula, ce dieu? Quand il a fait froid, qui est allé vous chercher du feu? C'est l'un de nous deux. Oh, et le soleil au lasso. Pour les hommes, les jours sont plus longs et plus beaux. Et j'ai attiré la brise. Pour les hommes, vous rendre heureux, c'est ma devise. Comment vous le dire, c'était naturel de poser des îles sur l'océan. Mais ce n'est rien de sensationnel. Ha! Je l'ai fait pour les hommes, tout simplement. Pour les hommes, pour les hommes. Oui, je peux vous l'avouer, je suis vraiment un drôle d'énergumène. Je suis à l'origine de tous les phénomènes. Les vagues, les fleurs, le vent, ça pour ma oui, c'est que j'ai d'enfant. J'ai tué l'anguille, je l'ai enterré. Et maintenant voilà un cocotier. Et la leçon, la morale de l'histoire, respecte ma oui, c'est pas la mer à boire. Sur ma peau, moi j'ai une très belle fresque pour mes super exploits titanesques. Et où que j'aille, moi je donne la cadence pendant que le petit mini moi il danse. Ah, ah, ah, ah, ah, hey. Je le voulais, je l'ai fait pour les hommes. Pour remplir un monde merveilleux. Comment vous le dire, c'était pour les hommes. Mais il va s'en aller, le demi-dieu. Après ce que j'ai fait pour les hommes, ils peuvent bien m'offrir un bateau. C'est quoi, je m'en vais, loin des hommes. Ma oui rêve est d'aller sur les flots. Loin des hommes, loin des hommes. Merci, ciao! Vaiana! Bien, Loulou! Bravo! Super. J'aurais pas su parce que j'ai jamais vu le début de Vaiana. Moi non plus! Je l'ai vu 4 fois! Donc, Loulou, c'est bien que t'aies trouvé Vaiana. Bravo! C'est votre 3e point et c'est le 2e que tu marques. Oui! Moi, alors l'autre, puisque t'as l'air parti, peut-être que tu peux nous résumer Vaiana. Oui. En fait, c'est une comme tous les autres films qu'on a dit, c'est une jeune femme qui en fait a découvert la mer, mais son père ne veut pas parce que lui, en fait, avec ses amis, ils sont allés et après il y avait une grosse tempête et ils s'est noyés. C'est des peuples qui vivent sur une île mais qui ont peur de la mer maintenant. Oui, mais Vaiana, elle n'a pas peur, elle a le pouvoir de la mer. D'affronter les dangers de la mer, c'est ça? Oui. Et après, ça raconte aussi l'histoire d'un personnage. Un demi-dieu? Qui s'appelle Maui. Il est beaucoup tatoué, il faut dire. Et après, elle a trouvé une pierre qui s'appelle le cœur. Et elle doit retrouver Maui pour lui donner et lui dire que où elle va, comment elle s'appelle, elle a quel âge, pour lui redonner. Et après, ça raconte aussi une poule et un cochon. Oui, enfin, Vaiana, elle part avec une poule et un cochon. C'est pas spécialement l'histoire de la poule et du cochon. C'est voilà. Et le cœur du demi-dieu, il doit le rendre à la déesse à qui il l'a volé, en fait. Mais il n'est pas trop décidé à le faire. Oui, non, il avait enfermé Vaiana. Ouais. Et après, il a repris son bateau, mais vu que Vaiana, elle est très intelligente, il y avait une statue de lui, elle est grimpée dessus. Et après, elle a sauté, elle a réussi à aller dessus. Et après, à chaque fois que Maui lui poussait, elle revenait. Et après, grâce à la mer, oui, la mer l'a grâce ramené à la sur le mer, bateau. Ça a ramené sur le bateau. Oui, sur le bateau. Alors, attends, Lou, je te coupe tout de suite, mais faut pas raconter la fin. Hein. Ah non. Voilà, donc après, pour le ceux reste, qui l'ont pas vu. Voilà, ils doivent ramener le cœur de l'autre déesse et on s'arrête là. Et toi, tu le conseillerais, ce Vaiana? Ouais. Aux autres, oui, aux auditeurs. Et aussi je pense que le 2 est aussi drôle que parce le que, 1. Voilà, à l'heure où on enregistre, le 2 vient tout juste de sortir et nous on ne l'a pas encore vu. Non. Mais j'espérais. On verra une autre fois, Malou. Et aussi, je crois que les tatouages de Maori sont un peu magiques. Ils font aussi un peu des animations, des fois. Oui, oui, les tatouages sur son corps, ils sont animés et ils bougent quand ils chantent un peu comme les vases au début d'Hercule. Mais vous savez pourquoi Maui a autant de tatouages et de qui il est inspiré? C'est Maui. Oui, non, mais la personne qui existe vraiment. Qui existe vraiment sur Terre, qui a inspiré le personnage. Comment ils l'ont dessiné? Oublié. Ils sont calqués sur qui? Je le savais. Ça commence par quelle lettre? Ça dépend, son vrai nom ou son surnom? Son surnom. Son surnom. Son surnom, ça commence par un R. Ranger? Mais non. Tu l'as pas, Jojo? Non. Oui. Là, ils sont inspirés de The Rock et c'est The Rock qui fait la voix de Maui. Non, mais je croyais que t'allais dire T, moi. Sinon, j'avais The Rock, mais je croyais que t'allais dire T, moi. Bah non, c'est pas The, son surnom. Bah c'est oui, oh, ça se fait pas, j'allais le dire. Hein, sinon. Il est malin. Fallait le dire, Pépère, fallait le dire. Bah oui. Voilà, et donc, Vaiana, c'est un film assez récent de 2016 de Ron Clements et John Musker, qui ont aussi réalisé Aladdin bien des années avant. Oui. Et la musique est signée Marc Mancina. Mais Aladdin, je trouve un petit peu moins cool que Vaiana. Ah bah après, c'est une question de goût. C'est surtout que c'est plus vieux, Aladdin. C'est vrai. Ah bah oui, Aladdin, c'est beaucoup plus vieux. Et en fait, Ron Clements et John Musker, ils vont souvent relancer les productions Disney. Quand Disney est un peu dans le creux, et qu'eux reviennent, ils relancent un petit peu la production, comme ils ont fait avec Aladdin, comme ils font avec Vaiana, qui a quand même plus cartonné que celui d'avant. Et à chaque fois qu'ils les rappellent, en général, ça marche. C'est possible qu'on les revoie dans ce blindcast, du coup. Ok, c'est possible ou c'est sûr? Alors ça, vous le verrez bien avec le temps. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur Vaiana ou est-ce que vous voulez qu'on passe au titre suivant? Au suivant. D'accord, et doucement. Donc là, Loulou, tu n'as plus les 30 secondes, c'est chacun pour sa peau. Mais encore une fois, vous jouez en équipe, alors pas de soucis. Oui. Donc on a 3 sur 3 là. Ouais, vous avez 3 sur 3. Mais toi, est-ce que tu peux jouer? Bah non, c'est moi qui dirige les chansons, je sais forcément ce que je diffuse. Ah oui. Ah bah oui, il faut pas être fou. Bon, alors vous êtes prêts pour la quatrième? On est prêts! Alors, cette fois-ci, j'aurais pu donner un indice, mais je vais pas le faire, parce qu'elle est facile aussi. Ah! Alors, je vais vous dire un indice. Quand même! Alors, un indice en relation avec le blindcast qu'on a fait avec l'équipe de Monstres et Compagnie. Et ben là, c'est pas le thème. Ah, ok, ça va pas nous aider, ça. devoir de réflexion vole plus bas qu'un derrière de cochon. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Rebelles et lions font rébellion. Je vois à vos yeux sans expression qu'il faut que j'éclaire vos lanternes. Nous parlons de roi, de succession. Vous êtes tout impliqués dans l'affaire. Soyez prêtes pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? M'écoutez et vous taire. Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra ce beau jour, quand la gloire couronnera ma tête. Soyez prêtes. Espérer que vous exécuterez mes ordres. J'assure un futur plein de captures, puisque je suis roi des chasseurs. Par contre, sans moi, je vous l'assure, vous mourrez de faim pour la vie. Soyez prêts pour le coup le plus génial. Soyez prêts pour le plus beau scandale. Je dis compromission, je dis conspiration, je crie humiliation, trois mots qui me feront un roi incontesté, respecté, salué, le seul Dieu vivant vous l'acclame. Votre roi vous invite à la fête. Soyez Le roi lion. Le roi lion. Le roi lion. Bah... ah, je m'en souviens. Ah oui, bah, je m'en souviens quand... pas de celle-là, moi. Dans... C'est quand son le frère de son père, et ben il veut le tuer, c'est ça. C'est juste après. Ah. C'est Scar quand il parle oui. aux hyènes. Oui, quand il gagne. Ah oui, c'est oui, tu nous as pas mis les plus représentatifs, ah, non, forcément. Non, ça devient difficile. Eh ben non. Le titre, enfin voilà, le Disney est un grand classique puisqu'il s'agissait évidemment du roi lion. Donc le Roi Lion, c'était, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas parce que j'ai la date sous les yeux, 1994, un film de Roger Allers et Rob Minkoff. Eux aussi, ils reviennent très souvent dans les Disney, dans les Disney qui marquent en fait. Oui, il est splendide celui-là. Oui, celui-là est splendide. La musique du Roi Lion est signée Hans Zimmer pour tout ce qui est musique classique, enfin musique d'ambiance, etc. Mais toutes les chansons sont signées Tim Rice et Elton Jones. Oh, Elton Jones! Oui, bien Elton sûr! Jones. Ouais, ouais, bah ça avait. Il a des jolies lunettes. Il y a des jolies lunettes et des très belles chansons qui fonctionnent très très bien dans Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, à qui on va demander de le résumer? Peut-être à Sixties plutôt cette fois? Allez, c'est parti, c'est pour toi. Bah, je trouve que Lou, elle résume bien mieux que moi. Hein. Oui, mais non, celui-là, c'est non, pour non, toi. Non, non, faut pas abuser, maman. Ça fait longtemps que je l'ai. Moi, je sais très bien comment résumer, là. Alors, vas-y, fais-le. Vas-y, tente. C'est l'histoire d'un petit lion qui s'appelle Simba. Et lui, il vit avec son père et sa mère. Et son frère, lui, il veut s'emparer du petit garçon. Il veut devenir le nouveau roi de la jungle. Alors, c'est son tonton. Son oncle, alors. C'est son oncle. C'est pas son frère. Non, c'est, c'est le frère du de son père. Donc, ah, c'est son oncle. C'est son oncle. C'est son oncle. Et lui, il veut s'emparer. Il veut s'emparer du trône. Du trône. Et aussi, il veut être le roi de la jungle. Mm-hmm. À la place du roi. Oui. Mais, il y a un moment, il y a un singe. Mm-hmm. Il le prend Et après, il fait « C'est l'histoire de la vie ». Oui, d'accord. Alors, on n'a pas le geste, Louloute, au podcast, mais bon, Louloute fait le geste. On voit à peu près. Vie, oui. Tu peux faire avec on le chat. C'est un peu l'image du... On a tous fait c'est ça avec le chat. Film. Oui, c'est l'affiche du film. On a tous fait ça avec le chat. Voilà, mais oui, en gros, le méchant tonton, il tue le papa de Simba, il prend la place de roi, et Simba se bat pour le venir la reprendre à la fin. C'est avec les taureaux qu'il le tue, qu'il le piétine. Avec les gnous. Et il y a des hyènes. Voilà, et le méchant tonton, il est aidé par les hyènes. Oui, il a des... Avec et Simba, qui c'est qui l'aide, Louloute? C'est Simon et Pumba. Oui. C'est Simon et Pumba. Et c'est quoi comme animaux? Et c'est un facochère et un suricate. C'est un sanglier. Un facochère, oui. Facochère, oui. Et un suricate. C'est pareil. Hein. Et lui... C'est Simon, le suricate. Oui. Bon, Louloute, il est... Et en fait, lui, en fait, il raconte dans sa chanson qu'en fait, eh ben, quand il pète, eh ben, tout le monde part. Oui, oui, oui, il dit ça, effectivement. Et en plus, il le fait pendant la chanson. C'est ouais. vrai. Et Simba, lui, il voudrait pas trop manger des insectes, mais c'est il y a que ça au menu. Voilà, un peu gluant, mais appétissant. Ah oui. Oui. Un peu gluant, c'est ça. Mais appétissant. Et le roi lion est inspiré d'un monsieur, d'une pièce de théâtre, non, ah, d'une non. pièce de théâtre de Shakespeare qui était Hamlet. Ah, Shakespeare, c'est connu Hamlet. Hamlet, ça c'est connu. Oui, c'est connu. Et le roi lion était aussi très inspiré du dessin animé japonais Le Roi Léo, ce qui fait qu'il y a eu un procès. Ah oui, Léo, ah oui. Voilà. Logique. Ouais. Alors, c'était quand même assez flamant. Il n'empêche que Le Roi Lion est un très bon film que moi je conseille, mais vous, est-ce que vous le conseilleriez? Ah oui. Tout le monde l'a vu pour moi. Oui, mais est-ce que tu le conseilles quand oui, même? Oui, mais le film, je le trouve un petit peu moins cool que le dessin animé du ah coup. Ah oui, le film en image de je synthèse. Vous ah oui. Je aussi peut. Il est un petit peu plus triste, mais je vous conseillerais le dessin animé. D'accord, très bien, Louloute. Je pense pareil que toi, Louloute. Moi le aussi. Dessin animé est... Et toi, Jo, qu'est-ce que tu veux aussi, dire? Aussi, petite anecdote, le film Roi Lion, le film, c'est celui qui a eu le plus d'animaux en photo. Photoréaliste. Oui, photoréaliste, avec de vrais animaux. Oui, oui, oui. Et après, j'ai oublié un petit truc, mais en fait, c'est pas le père... Le père du petit garçon, de Simba, et bah lui, il a en ami un oiseau. Et lui, en fait, il empêche Simba et sa copine de faire des bêtises. Oui, de aller n'importe où. Voilà, il s'appelle Zazu, c'est un toucan. Zazu, oui, c'est un toucan. Il est trop rigolo. Ouais. Zazu. Et lui. Et bah lui, il se fait avoir par Simba et son ami. Donc en fait, c'est lui qui se ramasse tous les dangers. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est un peu le larbin, quoi. Bah, techniquement, c'est le premier ministre de Mufasa. Très bien. Bon, bah alors, du coup, vous en êtes à 4 points. Je suppose que vous... On continue ? Oui, que vous conseillez aussi le roi, parce que vous avez l'air de tous bien le connaître. Et donc, on va passer au cinquième titre. Alors, cette fois, je vous donne un petit indice qui, bon, c'en est pas franchement un, mais on n'est plus dans les dessins animés. Ah. On est toujours chez Disney. Par contre, on part plutôt chez Touchstone, et c'est pas franchement c'est quoi, un dessin Touchstone animé. C'est la maison de production de Disney pour tout ce qui était un peu plus film. D'accord. Voilà. Je connais beaucoup de films. Alors. D'accord, très bien. Et ben, on lance le prochain extrait. Thank you. Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? J'allais le dire en plus. Oh non, j'allais le dire. Donc c'était qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, bravo. Mais je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave, Lou, c'est pas grave. Mais la musique, la musique, je m'en rappelle pas. Ben, la musique en fait de Roger Rabbit, c'est pas la partie la plus importante. Pour ce temps, on sent bien une patte qui est un peu 1920, très jazzy, enfin voilà. En même temps, je l'ai vu qu'une seule fois. Non, on l'a vu beaucoup plus de fois. On l'a vu un peu plus d'une fois. Moi personnellement, j'ai vu très souvent. Vous l'avez vu au moins deux fois chacun, deux ou trois. Mais moi, en tout cas, je l'adore. Ah bah, c'est vrai, c'est très bien. Très bah tiens, c'est toi Nostal qui va faire le résumé parce que ça... D'abord, qui est le réalisateur de Roger Rabbit? Est-ce que vous le savez? Nostanson. Quoi? Rien. Faut pas juste mettre des cigarettes dans le pisse pour faire un mot. Hein. Mais maman, elle le sait normalement. Zemeckis. Robert Zemeckis, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Robert Zemeckis, que vous avez vu? Ah oui, une trilogie. Très connue et qu'on adore. Retour vers le futur. Voilà, oui. C'est le réalisateur de Retour vers le futur. Et donc, c'est un film de 1988. Et la musique, elle est signée par Alan Silvestri. Qu'on retrouve régulièrement chez Disney, mais qu'on retrouve aussi très souvent avec Zemeckis d'ailleurs. Et c'est très jazzy, moi j'adore. Ah, la BO est géniale. Ouais. Et donc pour rester un petit peu juste deux secondes sur Silvestri, c'est aussi lui qui signait la BO du très très bon, enfin la très bonne BO de Judge Dredd, parce que le film est pas très très bon. C'est quoi Judge Dredd? Bah, c'est un film avec Stallone sur le comics Judge Dredd. Et Silver. J'imagine. Silvestre. Oui, tu imagines, vas-y, je t'écoute. D'accord, merci Lolotte. c'est moi qui résume Roger Rabbit. Ah bah oui. Bah oui, tu donnes cet honneur. Vache. C'est... Alors Roger Rabbit, c'est un film noir, et c'est pas du tout une parodie de film noir, c'est un vrai film noir qui mélange aussi l'animation traditionnelle. C'est Space Jam 10 ans avant et 10 fois mieux. Oui. Et on y suit donc... la vache. Le personnage de détective joué par Bob Hoskins, qui va devoir aider le personnage de dessin animé Roger Rabbit à prouver son innocence dans l'affaire de la mort du mania des cartoons, on va dire, Acme. Ah oui. Voilà. Et... Roger Rabbit est accusé de l'avoir tué parce qu'il pensait que sa femme l'avait trompé avec lui. Punaise, c'est pas si facile que ça à résumer Roger Rabbit. Et aussi, c'est vraiment très cartoon. Ah bah, il y a beaucoup de cartoons qui sont extrêmement bien intégrés au monde réel. C'est l'un des premiers films qui a été mélangé de la vie réelle. C'est le premier film qui a mélangé des prises de vue réelles et du cartoon. Et c'est le seul à l'avoir fait aussi bien. Parce qu'après, il y a eu Toon World qui était très très mauvais. C'est vrai. Space Jam le fait pas aussi bien. Bah, c'était quand même... C'était pas ouf, mais bon. Non, c'est pas aussi bien fait. Là, vraiment, quand on voit comment Roger Rabbit a été fait, Space Jam, ils se sont pas donnés autant pour de mal. Pour la date, l'époque où c'est sorti, dans les années 80, c'est quand même hyper bien fait. C'est un truc qui est extrêmement difficile à faire. Et pour Roger Rabbit, ils ont fait quasiment trois fois chaque scène. Oui. Pour être, vraiment que ce soit bien fait. Donc c'est extrêmement difficile, ils n'ont jamais réitéré le truc parce que c'était extrêmement coûteux, extrêmement difficile, et il fallait quelqu'un du talent de Zemeckis pour gérer ce genre de choses. Ça a pris combien de temps comme film? Un an? Ça a pris pas mal de temps à être filmé. Presque comme le cirque, aussi longtemps? Je ne sais pas, mais ça a pris assez longtemps, oui. Bref, en tout cas, donc Roger Rabbit, c'est un film que moi, à titre personnel, je conseille, et plutôt deux fois qu'une. J'ai dû le voir de... Je crois que c'était la première cassette vidéo que mes parents m'ont acheté quand j'étais petit, et je l'ai vu quasi en boucle pendant des années. Et je pense que je pourrais continuer de le voir en boucle avec plaisir. Et ben moi aussi je dirais ça. Moi aussi. Très bien. Moi aussi, super, voilà. Super reco. C'est l'un des meilleurs films au monde. D'accord, et j'ai un gros regret par rapport à Roger Rabbit, c'est que je sais qu'il existe une attraction Roger Rabbit dans un parc Disneyland, mais c'est au Japon. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu le droit en France, parce que ça aurait été très sympathique. Et il n'y a pas de Roger Rabbit 2? Non, il n'y a pas de Roger Rabbit 2. Et il y en aura jamais, j'espère. Il y a eu quelques dessins animés Maroon Cartoon, comme celui qui ouvre Roger Rabbit, justement. Mais c'est Ils en ont décliné quelques-uns, histoire de... On pourrait dire étendre l'univers. Mais non, il n'y a pas eu 2, et je pense qu'il n'y en aura pas, puisque Christopher Lloyd est quand même plus tout jeune, Bob Hoskins est mort. Après, ça garde un petit côté culte, justement, qu'il n'y ait pas de 2. Oui, ah bah, tout à fait. Oui. Ça le laisse dans l'anthologie, quoi. Voilà, ça reste une pièce unique, et même à l'époque, sortir un film noir en 1988, je crois que c'est un an après Chinatown de Polanski, c'était quand même assez... Enfin, ça se faisait plus, quoi. Et en plus, mélanger dessin animé et film noir, c'est pas les deux choses qui, normalement, vont ensemble. En plus, quand même, il pourrait avoir un Roger Rabbit 2, parce qu'il y a bien eu un Fils du Masque. Oui. Et puis c'était pas du tout la même chose. Si c'est pour faire la même chose que le fils du masque, non. Laissez Roger Rabbit tranquille. Ouais. C'est clair. On veut pas voir ça. Comme tu dis qu'il y a des acteurs qui sont morts, ils ont pas du tout repris la même chose. Hein, Ceci dit, Roger Rabbit, il suffit de reprendre Roger Rabbit et tu peux faire un 2 théoriquement. T'es pas obligé de reprendre les mêmes acteurs. Ouais. Mais n'empêche qu'il n'y a pas de 2. On ne touche. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Ça garde son petit côté. Unique. Unique, exactement. Et qui est très sympa. Même au cœur de Disney, c'est un film qui est quand même assez unique. Ça fait peu de temps, je crois, que Disney l'a intégré dans les parcs, enfin, au moins dans le parc français, par exemple. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour passer au suivant ? Oui ! Chou cacao ! Ok, alors le suivant, je vais vous donner un petit indice. Ça parle de JO. C'est difficile. Jeux Olympiques. Merci. Super, bravo. Bravo. Il s'agissait bien de Rasta Rocket. Maman, je l'ai jamais génial. Vu. Génial. Peut-être que tu l'as jamais vu, c'est vrai. L'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. L'histoire vraie de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Mais ils n'étaient pas très bons, forcément. Bah, ils n'avaient pas. Enfin, l'entraînement, c'était pas ça, quoi. Oui. Donc, c'était un film de 93 de John Turtletaube. Et la musique est de Hans Zimmer et Jimmy Cliff. Soit la même équipe que Le Roi Lion. Mais au moins, je connais quelque chose. Je sais qu'ils font du ski, je crois. Du bobsleigh, on l'a dit il y a 2 minutes, Lulu. Et je crois qu'ils sont 4. Oui, ça, t'as raison, ils sont 4. Et ils sont gentils. Oui, puisque c'est les héros du film, ils ont fait en sorte qu'ils soient gentils. Et le bobsleigh, ça doit être impressionnant, hein. Ouais, ça doit... C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, quand... à la vitesse où ça va. Mais surtout que dans le film, il y a quand même un accident de bobsleigh qui arrive à mi-parcours. Enfin, ouais, mais bon. Ouais, je crois que c'est un truc qui se casse, un truc. Mais moi, je l'ai jamais vu, hein. Bah, c'est un très bon film. Ouais, je sais. Et c'est un bon film. C'est ce qu'on m'a dit. Sans le côté où on se moque c'est des Jamaïcains qui vont faire du bobsleigh alors qu'ils en ont jamais fait, ce qui est la blague un peu facile. C'est quand même une histoire vraie. C'est quand même quelque chose qui est assez touchant. Et ça, bah, Disney, ils sont quand même pas mauvais pour faire un petit peu monter les émotions, on va dire. Le réalisateur, c'est un peu une quiche, par contre, mais... C'est qui, c'est papa ? Non, John Turtletaube. Il a rien fait de notable, en vrai. Il avait fait L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage presque 20 ans plus tard. C'est nul. C'est assez mauvais, oui. Mais Rasta Rocket, c'est plutôt cool. Les musiques sont sympas. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça plutôt cool. C'est joyeux, quoi. C'est joyeux, ouais. Puis même il n'y a pas film, trop de chant. Le film est assez... il se regarde tout seul, en fait. Il file bien. Il est daté, hein, il fait son âge, mais... Il est bien. Mais il est bien. On retrouve John Candy, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Que Jojo, par exemple, et Loulou t'ont déjà vu dans Maman, j'ai raté l'avion, parce que c'est lui qui conduit le van qui ramène la maman chez elle. Ah oui, mais il est mort d'ailleurs. Il est mort, John Candy. Il y a longtemps d'ailleurs. Oh, bah, il est mort peu de 1994, temps. 1994, je crois. Ouais, mais j'ai une question après. À oui, rapport de Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce que les acteurs de Maman, j'ai raté l'avion, ils sont morts? Non. Les méchants. Non, les méchants, ils sont pas morts. Ils sont tous vivants, je crois. Ouais, bah, à part John Candy, oui, ils sont tous vivants. Ouais. Okay. Même la mère qui a joué dans Beetlejuice. Bah oui, puisqu'elle a joué dans Beetlejuice 2. Que t'as fait voir, Louloute. Et je peux vous dire, c'est un très bon conseil et c'est hyper drôle. Voilà. Même ma maman vous la conseille, je crois. Oui, c'était très bien. Après, bon. Les garçons l'ont pas encore vu. Mais bon, ils c'est voulaient vrai que je l'ai pas encore vu. Mais Tim Burton me déçoit beaucoup depuis longtemps, donc je vais pas non plus y perdre mon temps. J'ai pas trop envie de faire le résumé. T'as pas envie de faire le résumé de Rasta Rocket? Bah tu t'allais me dire... Oui, non, mais en fait, je l'ai déjà fait, c'est l'histoire de la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque, en fait, et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Oui. En fait, les mecs, c'est des sprinteurs, ils s'entraînent à faire du bobsleigh, ils font la première compétition, ils finissent dernier, voilà, c'est... Oh, pop. Si, ils finissent dernier. Ah ouais, bon, bah, c'est quand même déjà pas mal. Non, Louloute, ce n'était pas le quatrième, c'était le sixième. Et vous en êtes quand même à 6 bonnes réponses. Et bah là, on peut passer au 7e. Oui, merci. Bah attends deux secondes. Lou, c'est pas toi qui... T'es impatiente. On va donc passer au 7e. Petit indice, c'est pas Rasta Rocket. Non, s'il te plaît, un vrai indice. Ah, je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes. Qu'ils pensent que les bavardes sont assommantes. Que lorsqu'une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante. Qu'après tout, à quoi ça sert d'être savante? En plus, ils ont une sainte horreur de la conversation. Un gentleman fait tout pour l'éviter. Mais ils se roulent les rampes aux pieds de la femme réservée. C'est la reine du silence qui se fait aimer. N'aie pas peur, pauvre amant de perdition. Décide-toi, fais ton choix. Femme très occupée et j'y passerai pas la journée. Ça ne te coûtera que ta voix. Ma pauvre amante de perdition. Homme d'amour. Si tu veux vraiment passer le pont, faut payer l'addition. Avale bien, respire à fond, signe le contrat et mets ton nom. Flotsam, jetsam, je la tiens les enfants. Je complète ma collection d'une pauvre amante perdition. C'est Vrouga soufflé, vent de la mer Caspienne. La Rhinxis glosity, ses cornes avocales, sa voix est à moi. Mais... C'était Ariel la petite sirène. Voilà, oui. C'était la petite sirène. Merci Louloute, bravo. De rien. C'est bien Louloute, tu l'as reconnu. Pas mal. Bon, vous avez eu l'indice, mais c'est pas mal. C'est... Alors la petite sirène, donc, comme je l'ai dit, c'est le premier film du nouvel âge d'or de Disney. C'est-à-dire que Disney, avant 1991, et la petite sirène était vraiment, sans mauvais jeu de mots, dans le creux de la vague. Et la petite sirène, ça leur a permis de remonter. Mauvais jeu de mots. Parce que ça a été vraiment un succès quasi instantané. Ils étaient mâles. Ah oui, ils étaient mâles, oui. Et donc la petite sirène, pardon, c'était pas 91, c'est 89. Et c'est encore l'équipe Musquire et Clément, et Clemens, pardon. Clemens. Qu'on a déjà vu, et avec Alan Menkel à la musique. D'accord. Mais alors j'étais en train de demander où est-ce qu'on avait déjà vu Musquire et Clemens, parce que j'ai noté qu'on les a déjà entendus, mais où? Ah oui, pour Vaiana, voilà. Ah. C'est aussi eux qui étaient derrière, donc Aladdin, Vaiana et la petite sirène. Et moi j'avoue, c'est un de mes préférés. Et tu n'as pas reconnu? Non, bah non, parce que c'est pas la plus connue. Bah non, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Au bout d'un moment, j'ai été chercher les chansons moins connues. J'aurais pu mettre Sous l'océan, j'ai hésité. Mais à oui, mettre Sous l'océan, l'océan. Parce que c'est vraiment une chanson que j'adore. L'océan. Chantée par Sébastien. Voilà, mais c'était trop facile. Le c'est crabe. Qui c'est qui c'est qui c'est qui c'est le bah, crabe. Celui qui fait oui, la voix. Qui c'est qui chante chez Sébastien? Ah, bah, bonne question. C'est Henri Salvador. Ah, oh ah, bah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Bah oui. Sous l'océan. Pour l'histoire, c'est une sirène qui vit sous l'océan. L'océan. C'est incroyable. Tu peux dire, incroyable. Et donc, il y a une vieille méchante pieuvre qui sorcière. S'appelle Ursula. Ouais. C'est elle qui chantait la chanson qu'on vient d'écouter. Oui. Pauvre âme en perdition. Et qui, en échange de la voix de la petite sirène Ariel, elle lui donne l'usage des jambes. Des jambes. Ouais. Pour aller, parce qu'elle a très envie d'aller dans le monde aussi, humain. Embrasser un prince charmant. Ouais, pour retrouver son prince charmant. Ouais. Et elle voulait lui sauver la vie. Elle lui a sauvé la vie. Oui. Avant. Et donc, après, c'est tout. Et elle lui a laissé 3 jours. Sinon, elle allait la récupérer, quoi. Ouais, elle serait sa prisonnière, quoi. Ouais, ouais, elle a un temps limité pour se faire aimer par le prince, et sinon, voilà. Voilà. Et comme ça, si ça suffisait pas, Ursula se transforme elle aussi en femme et avec la voix d'Ariel pour essayer de séduire le même prince. Ah oui. C'est oui, pas très fair-play de sa part. Non. Non, mais en même temps, c'est une mais méchante. Mais celui-là, oui, graphiquement et au niveau des couleurs, il est incroyable. Il me fait même au niveau des couleurs, il me fait penser à Incredible. Alice au pays des merveilles. Moi, c'est vrai, il est c'est très vrai. Coloré. Moi, c'est je vrai. Je pensais vu que il y a pas très très longtemps chez mes grands-parents, je l'ai lu comme histoire. C'est bien. Très bien, donc celui-là aussi vous conseillez donc. Oh oui. Mmh, oh, ouais, oui. Bah moi c'est pas mon truc. Et puis quoi. Ça change un peu des princesses parce qu'avant on avait. Ça reste une princesse Ariel, oui. Hein, c'est la fille de Triton qui est le roi oui. des mers. Oui, mais roi c'est de pas l'océan. La princesse le classique frère de quoi. Enfin, ouais. C'est bah, pas comme la Vaiana, Belle au Bois quoi. Dormant, Cendrillon, bah, ça comme fait oui, pas aussi. Oui, comme Vaiana aux réponses, quoi. On n'est plus sur les princesses classiques. Mais voilà. Bon, comme Ariel. Mais enfin, je trouve que ne pas être dans la princesse classique rebelle. À l'époque où elle est sortie, c'était déjà un petit peu avant-gardiste. Ouais, et après il y a eu la Belle et la Bête qui n'était pas non plus la princesse classique. Exactement. Comme Rebelle. Et comme Rebelle. Et comme Rebelle Alice au Pays des Merveilles. Oui. Ah, ou Alice au Pays des Merveilles, Loulou, t'as raison. Bah, Alice c'est des vrai. En fait, c'est j'aime vrai. Bien cela, moi, parce que c'est pas des princesses classiques. Ça change princesses des princesses qui chantent des trucs. Oui. Que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, c'était vraiment les premiers Disney, les princesses classiques oui. Un peu, oui. Un peu cruches, quoi. Ouais, un peu, ouais. C'est méchant. Bah alors bah c'est non. Pas mal, pour l'instant vous en êtes à 7 sur 7 quand même, donc on va... Tiens, Common Sinclair. Ouais, j'avais... Oh la référence de vieux. Ça tu coupes. Non, ça je vais le laisser. J'ai failli la faire en plus. De quoi Dani, 7 sur 7, c'était une émission... Dani, celle-là, elle est pour toi. Gentillesse, papa. Bon. Ouais, heureusement que vous n'avez pas connu ça. Alors, c'est vrai, c'était nul. On va enchaîner avec la 8e, et... On est un petit peu dans le dur. Indice, on est dans les vieux Disney là. Oh, bah oh, ouais. Voilà. Mais c'est pas un autre indice qu'on veut. Est-ce que c'est une princesse? Alors non, on est dans les vieux Disney et il n'y a pas de princesse. D'accord, film ou dessin animé? Dessin animé. Si c'était un film, je vous le dirais. Ah oui, c'est vrai. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je le croire. Être parfois bien plus humain que vous. Mets-toi, baby. Oui, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous. Tu fais comme vous. Oui, bien, bien, je l'avoue. Je veux devenir quelqu'un comme moi. Scooby-Dooby-Dooby, c'est vrai, je le crois. De devenir comme vous. Ce qu'on s'amuse ici. C'est vrai, je le crois. De devenir comme moi. Encore une fois. Ouais, c'est vrai, je le crois. De devenir comme moi. Le livre de la jungle. Et oui, c'était bel et bien le livre de la jungle de 1967. C'est pas grave, Loulou. C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, mais moi, oui. Maman a pu le voir au cinéma. C'est complètement faux. 20 ans après. Ah oui, voilà, peut-être. Bah non, je l'ai pas vu au cinéma du coup. Non. Alors, il a été réalisé par Wolfgang Reitman, qui réalisa l'année d'avant déjà Merlin l'Enchanteur. Et pour tout ce qui est musique, c'est les frères Sherman qui avaient aussi composé par exemple Mary Poppins. Mary Poppins. Qui est pas tout jeune non plus. Eh bah non, mais c'est pas tout jeune. Mais il est vraiment voir au cinéma. Non plus. Ah, dommage. Un film vraiment cool. Mary Poppins, oui. C'est pas mon projet. Et après, c'est très coloré. Mary Poppins, oui. Donc, le livre de la jungle, bah, Sixties, puisque tu as trouvé, tu vas nous faire le résumé. Et nous raconter l'histoire, donc, de Mowgli. Bah, Mowgli, c'est un petit garçon qui se retrouve perdu dans la jungle. Et qui se fait adopter par les animaux de la jungle. Ah non, pas par les animaux, par une tribu bien particulière. Oui, par les tribus. Et il doit faire face à tous les dangers. Oui, mais quelle est la tribu qu'il recueille et qu'il élève? Je sais plus, moi. Bah, les loups. Les loups. Les loups. Les loups et son ami Bagheera. Un peu comme Romulus et Rémulus. Voilà, qui ont été élevés par les loups. Ouais. C'est Romulus. Il a son ami Bagheera et quand il s'enfuit, à un moment, il rencontre Baloo qui explique qu'il en fait peu pour être heureux. Bah Jojo. Oui. La fameuse chanson. Voilà. Donc celle-là aussi, j'aurais pu mettre « Il en faut peu pour être heureux ». Bah là, on aurait trouvé direct. Mais c'était trop facile. Ceci dit, là, tu t'en es bien débrouillé quand même. C'était la chanson du roi Louis. J'aimerais être comme vous. Il y avait aussi la marche des éléphants que j'aurais pu mettre. Mais pareil, c'était peut-être un peu facile. Un peu de rayon de soleil et de miel. C'est quoi déjà le vilain ressemble à ces coins? Bon, Loulou, ça ressemble aussi un petit peu à Tarzan. C'est oui. Un petit garçon qui se perd et s'est adopté par des gorilles. C'est vrai, ouais, c'est un peu l'histoire de Tarzan. Ouais, c'est vrai. C'est un enfant sauvage. Ça a été à la mode, hein, les films d'enfants, enfin les films ou les histoires d'enfants sauvages à une époque. Il y a eu Pocahontas. Non, Pocahontas, c'est une bon, mer indienne. Oui, mais je veux c'est dire. C'est pas une enfant sauvage. C'est dans des milieux. Oui, nature, ça, nature. On en a eu plein, mais. Même en France, on a eu un film. Enfin, il y a eu une histoire vraie d'un gamin qui a été élevé par des loups en début du siècle. Wow. On n'a jamais démêlé si c'était vrai ou pas, puisque ça date du début du siècle, mais ça a existé. On ne pouvait pas savoir. Et non. Ah, ça devait être incroyable pour l'enfant. Oui. Mais c'est faux. Bah, on ne sait pas. Mais il y a eu une histoire d'enfant sauvage en France. Et à la même époque, donc c'est là où Rudyard Kipling a écrit le livre de la jungle qui a été ensuite adapté par Disney. Et il y a eu plein d'autres adaptations du livre de la jungle. Il y en a eu une en 94-95, je crois, en live action qui n'était pas ouf. Et c'est tout ce que j'entends. Est-ce qu'il y a eu un film? Oui, c'était un film, hein, l'adaptation de 95. Ah, ça devait être pas ouf. C'était pas terrible. Et puis bon, bah après, il y a eu des Tarzans, ça, il y en a eu plein. Ouais. On en a eu un avec Christophe Lambert, il y a eu le Tarzan de Disney. Ils sont tous liés. Il y a eu Georges de la Jungle, aussi signé Disney. Ah, mais ça, c'est pas ouf. Bah, et Tarzan, je n'ai que vu le début, mais le début, c'est très bien. De quoi? De Tarzan. Ah, de Tarzan, oui, oui. Moi, c'est pas mon truc, en force sauvage et tout, qui se prend pour le plus beau. Non, ah, il se prend pas pour non, le plus beau dans Tarzan, ça. C'est pas vrai. Hein. Bon, c'est pas enfin, du tout vrai. Bah, il est un peu en par mode... Par contre, il est solide parce qu'il est élevé par les gorilles, donc il a appris à être fort, et oui, etc. Ouais. Avec les et aussi, je crois qu'il y a un léopard qui essaye de le tuer. Oui, mais dans Tarzan? Oui. J'ai pas souvenir, mais c'est possible. Là, on est quand même sur le livre de la jungle. Mais sur le livre de la jungle, il y a une panthère qui est son amie. Bagheera, oui. Elle est son amie. Et par contre, et Shere Khan... Le méchant, c'est le tigre Shere Khan, oui. Il est vilain. Et K, il est méchant aussi. K aussi. Oui, ouais. Moi, qui je fait peux, que de l'hypnotiser. Je peux pas vous dire, vu que je n'ai jamais vu. C'est vrai, c'est vrai. Et comme maman, elle n'a jamais vu rien. Bon, on va attaquer les deux derniers. Là, pour le coup, je suis pas sûr que vous... L'avant-dernier, je suis sûr que vous l'avez vu. Le dernier, je suis même pas sûr que maman l'ait vu, ni même qu'elle le connaisse. C'est quatre. Je vais pas vous dire ce que c'est, non plus. Donc là, on en est au 9e, là. Ouais, là, on va lancer donc le 9e, qui est l'avant-dernier. Et il a une particularité, c'est que ça a été le premier Disney sans chanson. Ça a été le premier Disney, donc, avec des musiques, mais sans chanson. Ouais. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est le Disney de mon année de naissance. Oh, ça oh, va je aider sais. Une poignée de gens au monde. Attends que le truc commence. Non, c'est une blague, en fait. Allez, je lance. Taram et le chaudron magique. Exactement. En langue originale, The Black Cauldron. C'est ton année de naissance qui m'a aiguillé. Bah, oui. Et à la base, donc, c'était l'adaptation d'une série de livres. Ça devait être l'adaptation du deuxième tome. Et ça a tellement bidé qu'en fait, eh ben, ils ont laissé tomber. Ils ont rendu les droits à la personne qui les avait et ils ont abandonné. C'était le premier Disney sans chanson originale et du coup, ça n'a complètement décontenancé les gens. C'est de la dark fantasy, c'est un petit peu compliqué. Le héros n'en est pas un. La quête est un petit peu assez quelconque, en fait, puisqu'il doit sauver son cochon tirelire. Et le grand méchant fait vraiment peur. Le roi des morts qui sort du chaudron, c'est une scène dont je me souviens presque 40 ans après l'avoir vue. Cette scène fonctionne de dingue. Elle est folle. Et oui, en plus, c'est un Disney qui est extrêmement triste. Où le sidekick, qui est énervant tout le film quand même, un Gurky, se sacrifie à la fin. Oui, il mange les pommes. Et même si on pouvait pas le piffer, et ben... Et oui, il revient. Non, il revient pas, mais... Enfin, oui, si, il revient, t'as raison. Mais n'empêche que la scène où il se sacrifie, même si on pouvait pas le piffer, et ben ça pique un peu. Et donc, c'était bien Taram et le chaudron magique. Par Ted Berman et Richard Rick, qui étaient aussi à la tête de Rock Seruki quelques années avant. Oh là, oui. Et la musique, elle, est donc signée par un vrai gros compositeur hollywoodien de l'époque, qui est Elmer Bernstein, qui était quand même plutôt connu pour les westerns, puisque c'est lui qui a fait le thème des Sept Mercenaires, le thème qui reste bien en tête et bien longtemps, et également la musique originale des Quatre Fils de Cathy Elder, qui donnera comme remake plus tard Les Quatre Frères avec Mark Wahlberg, qui est un polar urbain que j'adore. Que j'adore aussi. Mais voilà. Taram et le chaudron magique, je l'ai déjà lu. En vrai, lire, ok, c'est bien, mais ça fait pas trop penser au Disney. Non, pas ça n'a pas du tout une ambiance de Disney. Non. Non, c'est vraiment de la dark fantasy dans ce cas-là de plus classique. Oui. Mais oui, il n'y a pas de vrai héros, le magicien n'aide pas le héros. Le héros, c'est un berger qui doit aller récupérer son cochon. Oui. Et ça a un peu décontenancé tout le monde, ouais. Encore une fois, je peux pas répondre si à ça. Si, tu l'as vu. Ah bon ? On l'a tous vu ensemble quand j'ai acheté le DVD. Alors, t'étais beaucoup plus petite, hein, tu devais avoir que 3-4 ans. Mais on l'a vu. Il est pomivore, d'ailleurs. Quoi ? Il est pomivore... Il est pomivore, Gurky ou Gurk, je sais plus. Ouais, il me soupe, moi, celui-là. Et puis, il est moche, enfin... Oui, oui. Oui, lui, le sidekick est moche, le dessin animé est pas très joli, le héros, bah, en fait, ils ont repris le skin, enfin, les dessins d'Arthur dans Merlin. Ah, moi, ça me faisait un peu penser peut-être à Peter Pan, je m'en rappelle plus. Alors, peut-être, hein, parce que c'est une époque où Disney recyclait beaucoup, beaucoup les personnages. Et c'était quelques années avant La Petite Sirène, donc c'était vraiment le creux de la vague de Disney. Et, ah, bah, ils avaient déjà des graphismes. Les graphismes étaient bien, mais ils recyclaient. Donc, en fait, par exemple, si on regarde le personnage de... Je sais même plus comment il s'appelle. Bah, Taram. C'est Arthur. Ils ont repris le même dessin, ils l'ont un peu changé, et c'est le même. Et il va sauver la princesse Héloïse. Oui, c'est vrai, il y a la princesse Héloïse qui est un petit peu magicienne aussi, et c'est pas lui qui va sauver la princesse, c'est la princesse qui le sauve. Ah oui, c'est vrai, c'est plus logique. Un peu comme dans Mario, tiens. Oui, un peu comme dans Mario, c'est exact. Ah oui, exact. Peach, non. Enfin, le dessin animé, du coup. Oui, le dessin animé. Voilà, donc Taram et le chaudron magique, c'était un peu le creux de la vague de Disney, mais c'est mon Disney de naissance, et comme j'ai un affect assez particulier pour la dark fantasy, comme le prouve mon amour immodéré pour les Dark Souls notamment, je ne pouvais pas passer à côté. Et en plus, comme on est un petit peu dans la fin du blindcast, c'était le moment de mettre des films un peu difficiles. Oui, et surtout des faux Disney un peu, Taram et le chaudron magique. C'est un vrai Disney. C'est un vrai Disney, enfin, bah oui, juste pas copié, pas courant. Bah disons que oui, ils ont pas fait d'efforts, c'est à un moment où Disney faisait pas d'efforts. Donc comme je disais, on reprend le personnage d'Arthur. Dans les décors, je suppose qu'ils ont repris des décors aussi de Merlin l'Enchanteur et de Rock Seruki. Bah oui, logique. Ils ont un peu repris de tout. Un peu et... le costume Peter Pan, je peut-être, trouve. Peut-être, ouais. Et c'est vrai que c'est une époque, bah Disney était vraiment dans le creux de la vague. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont fait La Petite Sirène. Après. Qui est très bien. Parce que juste avant de faire La Petite Sirène, ils ont fait le film que je vais vous passer, dont je vais vous passer la première chanson d'ailleurs. Non, moi c'est un film que j'aime bien. Mais pas connu? Je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'avais en cassette audio. Est-ce que tu en as déjà parlé avec nous il y a pas très longtemps? Non, je pense même pas que j'en ai parlé avec vous et je suis quasiment sûr que vous ne l'avez pas vu. Oh, forcément. Moi je l'ai vu ou pas? Peut-être que toi tu l'as vu. Et c'est un film ou un dessin animé? C'est un dessin animé, bien sûr. Et c'était le dessin animé juste avant... Juste avant La Petite Sirène? La Petite Sirène. Et vraiment, Disney, celui-là, ben, ils se sont fait bâcher. Je vous l'envoie. Bah, pourtant, tu disais que c'était bien. Mmh. once upon a time in New York City. It's a big old battle, tough old town, it's true. But beginnings are contagious there. They're always setting stages there. They're always turning pages there for you. Ain't it great the way it all begins in New York City? Right away you're making time and making friends. No one cares. Once upon a time in New York City. If it's always once upon a time in New York City, why does nightfall find you feeling so alone? How could anyone stay starry-eyed when it's raining cats and dogs outside? Voilà, dernière chance, je vais vous donner juste un petit indice, c'est l'adaptation d'un livre de Charles Dickens. Non, mais je connais même pas. Ah oui, c'est dans Mathilda. Non, Mathilda, bah, c'est si, Roald Dahl. Bah oui, mais elle dit Charles Nick. Bah peut-être qu'elle a lu du Charles Dickens, mais Mathilda, c'est Roald Dahl. Un petit conte de Noël. Alors, vous laissez tomber ? Oui. Et ben, c'était Oliver et compagnie. Oh ! Mais je connais pas. Bah non, tu connais pas. Qui était l'adaptation, donc, d'Oliver Twist. Où un petit chaton est pris sous son aile par un chien qui erre dans les rues, toute sa bande d'ailleurs. Et ils aident le petit chaton à survivre. Le début de ce dessin animé, c'est un des trucs les plus tristes que j'ai vu chez Disney. Hein. C'est pas... C'est tout un tas de chatons abandonnés. C'est pas Charlie. Non. Charlie. Non, Charlie ce héros, c'est un autre film avec un chien, t'as raison. Qui est signé Don Bluth, le mec qui avait fait Fievel avant. Et qui a un très très bon film. Parce que t'avais dit que c'était hyper triste vu qu'elle perdait son chien. Ouais, Charlie c'est triste, il meurt dès le début. Et là, dans Oliver Twist, en fait, c'est un chaton. Au début, on voit un carton de chaton qui est abandonné dans New York et tous les chats sont adoptés, sauf Oliver qui reste au fond du carton. Mmh. Un chat roux qui reste mais au fond du carton. Mais est-ce qu'il est mignon ? Bah oui, il est mignon. Et puis on voit qu'il pleut, tout ça, et puis petit à petit, bah, il reste plus que lui dedans. Et c'est donc le chien Roublard qui vient le sauver, et avec toute son équipe de chiens, qui le prennent un petit peu. Bah, qui le protège. Après, c'est l'histoire d'Oliver Twist, hein, c'est un orphelin qui essaye de survivre. C'est un chat orphelin ? Oui, bah oui, clairement. Ça peut pas être un humain, chat. Bah non, c'est un chat, quoi. Oui. En plus, il s'appelle Oliver, bah, hein, forcément. Oui, c'est le clin d'œil avec Oliver Twist, oui, Joseph. Et donc, c'était ce film-là, qui a, c'est un des Disney qui a le moins marché, juste avant La Petite Sirène, qui a relancé le truc. Bah pourtant, il est bien. Moi, c'est un que j'aime bien, oui. Mais il est pas fantastique, c'est vrai que là, la réutilisation de dessins déjà existants, elle pète aux yeux. Hein. Je pense que dans Les Chiens, il y en a qui sont repris de La Belle et le Clochard, le décor de Peut-être New York, de Saint Dalmatien. Il est repris d'un peu partout. Ah, c'est voilà. Il y a des défauts. Et pareil, toute la musique est signée, alors je sais pas si vous l'aurez reconnu, parce que même moi, ça me parle que moyennement, mais c'est signé Billy Joel. Donc il y a eu, qui cartonnait à l'époque, hein, mais dont plus personne ne parle maintenant, tellement ça ressemble à Genesis et à tout ce qui se faisait à l'époque. Voilà. Bon, ça a été votre seul échec, alors vous avez fait un beau 9 sur 10. On a 9 sur 10 quand même. Je dois avouer que le dernier était un peu vicieux. Ouais, c'est vilain. Moi, j'ai dû le voir, mais alors il y a extrêmement longtemps. Ouais, toi, c'est possible que tu l'aies vu. Que je l'ai vu au cinéma. Au cinéma, ouais. La sortie à l'école avec le Disney de Noël. C'est possible. Comme toutes les écoles faisaient à l'époque. Parce que j'avais vu Rock et Rookie au cinéma aussi. Enfin bon, c'était la même. Moi, je pensais qu'il y aurait L'Étrange Noël de Mister Diable. Je pensais que tu aurais. Avait ça. Eh ben non, mais avec tous les Disney qu'il y a, on aura largement de quoi refaire un autre blindcast Disney l'année prochaine tous ensemble. Crois. Oui. Je crois. Peut-être que cette fois, vous arriverez à faire le 10 sur 10, ou peut-être que j'irai vous en chercher des bien vicieux. Tu vas nous prendre 4 pelés attendus. Non, 4 bassés pour un Danois. Ou alors l'ordinateur en folie. Oh non, c'est quoi ça? Ah bah c'est un très vieux film où Kurt Russell était tout jeune dedans. C'était encore un bébé. Non, il était juste jeune. Cette fois, tu vas en rajouter 20. Non, j'en ferai que 10. Le principe du blindcast, c'est 10 extraits à découvrir. Et ben, on se retrouve pour une autre émission. Oui, mais l'année prochaine, avec vous, Louloute. Hein. Ah, l'année prochaine. Vous enflammez alors. Pas. Est-ce que moi, je pourrais en refaire un avec vous dans 6 mois? On verra. Alors, parmi ces 10 Disney, lequel vous conseilleriez chacun de vous? Louloute, on va commencer par toi. Lequel tu préfères dans ces 10-là? Bah, il y en aurait 2. Ouais, 2. Bah, vas-y, lesquels tu conseilles? Je t'écoute. Alors, Vaiana. Ouais, et pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film vraiment très très bien. Ok. Et je conseillerais aussi Réponse. D'accord, et pourquoi Réponse? Parce que je trouve que c'est un peu intéressant. D'accord. Bon, et t'as pas un petit peu plus d'arguments? Parce que par exemple c'est drôle, parce que... Parce que j'aime bien celui qui est dans la caverne, qui est accroché là, et qui a les trucs des flèches, et qui a une couleur... Ah, dans la taverne, oui, le méchant Pidon. Qui s'est passé pour un cupidon. Oui. D'accord, ça te fait rire. Et dans Vaiana, j'aime bien qu'en fait, oui, il a peur du bout de cœur. D'accord. Bon, bah, très bien. Alors, à ton tour, Joseph, lequel tu nous conseillerais, toi? J'avais oublié, Roger Rabbit. Très bien, très bon choix. Parce et pourquoi? Parce que tout le long, c'est drôle, sauf une ou deux fois. D'accord, ok, très bien. Juste un peu des moments un peu plus cruels de la part du méchant. Oui, la chaussure. Oui, j'aime pas trop ce moment-là. C'est sûr. Et donc, toi, Sixties, lequel tu conseillerais? L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat? C'est nul! C'est pas Disney surtout, mais c'est un des premiers films en fait. Ah! De 1900. Non, 1800. 1800? Ah oui, quand même. Tu l'as vu? Ah oui, au cinéma quand il est sorti. Oui, On était avec Mergrin, tu te souviens pas? Quelle question! Et moi j'étais avec tous mes copains, on s'est bien amusé. Hein. Bah alors moi j'aurais dit Roger Rabbit pour les mêmes raisons. Bah, Voleuse. Jojo, comme moi, je pensais à celui-là parce que ça, c'est un classique culte. On l'a pas vu, il faut absolument le voir pour justement cet exercice de mélanger du dessin animé et du film. Enfin, l'histoire, elle est dingue. Tout est dingue là-dedans. Mais après... Attends l'autre. Et donc, comme ça a déjà été dit, moi, je dirais La Petite Sirène. La Petite Sirène, parce que j'hésitais aussi avec La Belle et la Bête, mais La Petite Sirène, il a été en premier. Il est plus ancien. Et je trouve qu'il n'est pas classique. Il sort un peu des sentiers battus. Moi, il m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Avec, très, très coloré. Moi, je me souviens de cette scène où elle se coiffe avec une fourchette à table. Enfin, voilà. C'est plein de petits clins d'œil comme ça qui font. Il y a beaucoup de charme, en fait, dans celui-là. Et je le trouve, même encore à mon âge. âge. Qu'on va pas dire. Elle a envie de le regarder. Oui. Ouais, ça, je prends toujours plaisir à le regarder, celui-là. Pourquoi ? C'est anonyme ? Voilà. Donc, si je pouvais conseiller pour les petites filles, pour les plus grands, enfin voilà, La Petite Sirène. Très bien. Et ben moi, de mon côté, surprenamment, je conseillerais Taram et le Chaudron Magique. Voilà, parce que c'est vraiment un Disney qui tranche avec tout ce qu'on a pu voir. Parce que il est quand même assez attachant. Et parce que le méchant, pour le coup, est vraiment effrayant. Taram et le Chaudron Magique, par exemple, je ne le conseille vraiment pas avec des jeunes enfants qui seraient un petit peu impressionnables. Il y a certaines scènes qui sont un peu compliquées. Et en revanche, tout ce qui est technique qui a été mis en place pour Taram et le Chaudron Magique, notamment pour les effets de fantômes, c'est un truc que Disney n'a jamais ressorti tellement ça a été compliqué à faire, mais qui marche du tonnerre. Tonnerre voilà. De Zeus. Oui, voilà, mais alors, tonnerre de Zeus, c'est plutôt chez Astérix. Voilà. Ou alors même du côté de Ariel, parce que c'est le papa s'est Poséidon et c'est le frère de Zeus. Oui, non, mais alors, là, il n'y a pas de Zeus dans Ariel et la petite sirène. Non, attends, c'est le Triton. Oui, c'est Triton. Ah, et, en plus, oui, zut. C'est pas Poséidon. C'est le roi de l'océan. Voilà. Sous l'océan. Bon, et ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va pouvoir se quitter. J'espère que vous avez chez vous fait des bons scores, que vous pouvez vous comparer à nos champions à la maison. Si vous avez fait plus, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez fait moins, bah dites-le aussi, c'est pas grave, on va pas vous en vouloir. Si vous dites-nous aussi si vous seriez partant pour un deuxième round de l'année prochaine, à peu près à la même période. Voilà. Et ben sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à dans 2 mois avec Sixties. Eh oui, à dans 2 mois. À dans 6 mois peut-être ou à jamais. Non, Joseph sera plutôt l'année prochaine. Oh non, je voulais refaire un Mais l'année prochaine, c'est dans 2 mois. Non, non. Ah oui. La saison prochaine, oui. Pardon. Et moi, peut-être que je pourrais en faire un avec mon papa. Peut-être. Oui, on fera peut-être d'autres podcasts que le Blindcast. Pour ouais, le Blindcast, en tout cas. On pourra refaire des jeux vidéo, par exemple. On en refera peut-être un dans 1 an. Ouais, on verra ça. Mais non, mais pas avec bon, toi. Et ben en tout cas, salut à tous et à la prochaine. Salut à tous. À la prochaine. À la prochaine. Oh yeah. La mer, c'est bien mieux que la vie. Au revoir. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la pipe. Les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent, ils flippent à tourner dans leur bocal. Le bocal produisait l'extase chez le copain cannibal. Si monsieur poisson n'est pas sage, il finira dans la poêle. Oh non, sous l'océan. Sous l'océan, y'a pas de courbouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. Sous l'océan. La vie est super, mieux que sous la terre, je te le dis. Oui, je te le dis. Tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae. On a le rythme, c'est de la dynamique sous l'océan. Triton, oh, fluton, la carjoula. La West Coast, la basse, les rois du rap. Mako, au saxo, le tombo, au bango. Le lieu est le dieu de la soul. La laine, au tube, le gardon, au violon. Les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton. Le bar et le soir se marre et s'éclate. Vas-y, souffle mon doudou. Ça balance, ça swing. Ils ont le sable, ça c'est certain.